Chapitre 2. Bonne et mauvaise fortune. La femme de Jean-Pierre, ayant dormi jusqu'au matin, n'avait entendu ni le vent ni la pluie. Elle fut fort étonnée d'apprendre que le moulin avait tourné pendant la nuit et de voir l'argent et les provisions rapportées par son mari. Son sommeil avait déjà hâté sa guérison. La joie qu'elle eut de ces heureuses nouvelles acheva de lui rendre la santé. Cependant, Jean-Pierre ne lui parla point des deux visites extraordinaires qu'il avait reçues. Claudine, pensait-il, a plus d'esprit que moi, mais elle est un peu bavarde. Elle irait dire mon secret à ses commères, et cela pourrait me faire du tort. Pendant les jours suivants, le moulin tourna soir et matin. La rosée tomba dans le jardin potager. Jean-Pierre faisait bon feu et bonne chère. Sa femme reprit des forces, et le petit Pierrot devint rose et frais comme une pomme d'api. Le bonheur et la gaieté étaient revenus dans la maison. Un jour, le seigneur du château voisin passa devant la cabane de Jean-Pierre en allant à la chasse. En voyant son seigneur, le meunier fut saisi de crainte, car cette visite ne lui annonçait rien de bon. « Oh là, Jean-Pierre ! » cria le baron sans descendre de son cheval. « Tu me dois 6 mois d'imposition. Si tu ne payes pas demain, on vendra tes meubles. Je t'arracherai de ta cabane et je te ferai travailler dans mes champs à coups de bâton. » Le seigneur partit au galop, sans écouter les plaintes de son vassal. Le lendemain, l'intendant du château arriva, portant une sacoche, et Jean-Pierre fut obligé de lui donner les 10 écus. C'était tout ce que le meunier avait économisé depuis des mois. Les faveurs du vent et de la pluie se trouvaient ainsi perdues. Claudine se mit à pleurer de tout son cœur. « Ne pleure pas, lui dit Jean-Pierre. Tout le monde n'est pas aussi méchant que monsieur le baron. Donne-moi mes souliers ferrés, ma canne et mon manteau de laine. J'ai une visite à faire. Ne t'inquiète pas si je rentre tard à la maison. Ce sera pour te rapporter quelques bonnes nouvelles. » Claudine devina tout de suite que son mari lui cachait un secret. Elle essuya ses larmes et fit 1000 questions au meunier pour lui arracher ce secret. Mais il ne voulut point parler, et il partit avec ses souliers ferrés, sa canne et son manteau de laine. Après avoir traversé des champs et des prés, Jean-Pierre arriva au bas de la montagne du Midi. Il monta pendant 3 heures dans un bois de sapins. Puis il trouva des bruyères désertes et enfin des rochers escarpés où il grimpa l'aide de ses souliers ferrés et de sa canne. Il parvint au faîte de la montagne avant le coucher du soleil. En voyant l'entrée d'une caverne, le meunier pensa que ce devait être l'habitation de Monsieur le Vent. Comme la caverne paraissait profonde et obscure, Jean-Pierre ne se sentait pas trop rassuré. Il rassembla tout son courage et il entra en tâtant le terrain avec sa canne par précaution. À peine eut-il fait 25 pas qu'il entendit à ses oreilles les voix des petits esprits. « Soufflons sur cet étranger, disaient les voix, arrachons-lui son manteau, tâchons de lui enlever son chapeau. » Mais Jean-Pierre tenait fortement son chapeau d'une main et de l'autre son manteau de laine. Il aperçut enfin de la lumière, et il reconnut Monsieur le Vent, assis devant une table et mangeant son dîner. Des feux follets voltigeaient pour éclairer la table. D'autres esprits apportaient les plats et les flacons de vin du fond de 2 grands trous qui servaient de cuisine et de cave. « Qui vient là ?» demanda Monsieur le Vent. « C'est moi, » répondit le meunier. « Je suis Jean-Pierre. Votre Excellence a daigné se reposer chez moi il y a 1 mois. « Eh bien, que me veux-tu »« Ce que je désire, » répéta le meunier. « Ce qu'il vous plaira de me donner, pourvu que cela m'empêche de mourir de faim, car j'en suis menacé. »« Tu ne mourras pas de faim, » reprit Monsieur le Vent, avec plus de douceur. « Qu'on donne à cet animal mon petit tonneau d'argent. » Un esprit, qui avait des ailes de chauve-souris, apporta aussitôt un joli tonneau d'argent, pas plus grand que les petits barils où l'on enferme des olives. Un autre esprit apporta une baguette aussi d'argent, qu'il posa sur la table. « Prends ce tonneau et cette baguette, » dit Monsieur le Vent, « quand tu seras chez toi, « tu frapperas avec la baguette sur le petit baril, et tu verras ce que tu verras. Maintenant va-t'en, diable, et laisse-moi dîner en paix. » La nuit était tombée lorsque Jean-Pierre sortit de la caverne de Monsieur le Vent. Il faillit se rompre le cou parmi les rochers. Il déchira son manteau de laine après les buissons et se mouilla les pieds dans un marais, en dépit de ses souliers ferrés. Mais il ne lâcha point son baril ni sa baguette. Sa femme commença à s'inquiéter lorsqu'à 9 heures du soir, le meunier rentra au logis. « Qu'est-ce ceci ? » demanda Claudine en voyant le petit tonneau. « Où as-tu pris ce bijou magnifique ? » ?»« Je savais bien que tu me cachais un secret d'importance. Il faut que tu m'expliques ce mystère tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des pierres précieuses dans ce tonneau ? » ?»« Quand il n'y aura rien dedans, l'argent seul vaudrait au moins 100 louis, sans compter la façon. Un orfèvre en donnera une grosse somme. Parle donc, Jean-Pierre, je grille de savoir le secret. » Le meunier raconta comment il avait reçu la visite de Monsieur le Vent, comment ce personnage surnaturel lui avait promis sa protection et lui avait donné le tonneau et la baguette en lui indiquant la manière de s'en servir. Jean-Pierre recommanda bien fort à sa femme de ne pas parler de cette aventure au commère du voisinage. Mais au lieu d'écouter ses recommandations, Claudine se mit à babiller. « Tu vois, lui dit-elle, que tu aies tort de me cacher ce secret. Je suis plus fine que toi. Je t'aurais donné de bons conseils, et tu ne serais pas resté les bras pendants avec un air hébété comme tu l'as fait, quand M. Levent t'a demandé ce que tu voulais. Je t'aurais dit de lui répondre sans hésiter, « Donnez-moi 10 000 livres. » Et tu serais revenu avec des écus sonnants au lieu de ce tonneau d'argent dont nous serons embarrassés de nous défaire. « Qui sait ?» répondit le meunier. « Mon tonneau vaut peut-être plus que tu ne crois. Mettons-le d'abord à l'épreuve. » Jean-Pierre posa le petit tonneau debout par terre, et d'une main tremblante, il frappa dessus avec la baguette d'argent. Aussitôt, le baril s'ouvrit en deux parties comme une armoire. D'un côté, il y avait une petite cuisine, et de l'autre, un office en miniature. Dans la cuisine, on voyait des broches grosses comme des aiguilles, des chaudrons grands comme des dés à coudre, des casseroles mignonnes et des poêles à frire à mourir de rire. Un cuisinier haut de 3 pouces, le bonnet de coton sur l'oreille, et de petits marmitons s'agitaient devant les fourneaux, soufflaient le feu, surveillaient la broche et goûtaient les sauces. Il faisait rôtir des dindons gros comme des abeilles et des poulets gros comme des mouches. Il faisait frire des poissons plus minces que des vers à soie qui viennent de naître et taillait des choux paumés qui ressemblaient à des têtes d'épingles. Pendant ce temps-là, 2 domestiques, de la même taille que le cuisinier, rangeaient la vaisselle dans l'office. Ils essuyaient des assiettes de porcelaine qui étaient grandes comme des pièces de 5 sous et des verres qui semblaient faits pour donner à boire à des moineaux. Ils emplissaient les bouteilles avec 2 gouttes de vin, et les carafes de cristal contenaient 2 gouttes d'eau. En un tour de main, le dîner se trouva prêt. Le meunier et sa femme restaient tout ébahis à regarder ce petit monde si prompt et si habile. Leur surprise fut bien plus grande quand ils virent les 2 domestiques nains sortir du petit tonneau, sauter sur la table et y déposer tous les plats fumants, préparer 2 couverts, ranger avec ordre le premier service, mettre à leur place les bouteilles et les carafes. Dans un coin de la chambre, ils placèrent le second service et le dessert, et puis ils rentrèrent dans leur petit office. Le tonneau d'argent se referma subitement, et Jean-Pierre et Claudine ne virent plus rien. Mais au même instant, les plats qui étaient sur la table devinrent de véritables plats de la grosseur ordinaire. Les poulets rôtis furent de véritables poulets rôtis, les poissons de bons gros poissons, les bouteilles de grandes bouteilles remplies de vin délicat, les couverts de bons gros couverts en bon argent. Jean-Pierre et sa femme se trouvèrent tout à coup en face d'un excellent souper servi par 2 personnes, où il y avait à manger pour 4. Ils se mirent à table et soupèrent copieusement car ils avaient faim. Les ragoûts étaient parfaits, et les pièces de volaille cuites à point. Jean-Pierre but 3 fois la santé de M. Levent, et comme le vin était capiteux, le meunier se coucha, la tête un peu troublée. Il s'endormit et ronfla comme un chantre. Claudine se coucha aussi, mais elle ne fit que s'agiter dans le lit sans pouvoir dormir, tant elle avait hâte de voir le jour, pour aller conter cette aventure à sa voisine la laitière. La voisine ouvrit de grands yeux en écoutant cette histoire. Elle répéta plusieurs fois, en soupirant, que Claudine était bien heureuse d'être l'amie de M. Levent et de posséder le précieux baril d'argent. Aussitôt la meunière partie, la laitière mit son panier sur sa tête et s'en alla porter de la crème et du beurre au château. Elle ne manqua pas de raconter l'aventure de sa voisine au cuisinier. Le cuisinier raconta la nouvelle au valet de chambre, et le valet de chambre, tout en aidant son maître à s'habiller, lui apprit ce qui était arrivé à Jean-Pierre. Le baron conçut tout de suite le projet de s'emparer du petit tonneau d'argent. C'est pourquoi il monta sur son cheval et s'en alla au moulin. Lorsque M. le baron arriva au moulin, Jean-Pierre venait de se lever, et Claudine n'était pas encore revenue, car en sortant de chez la laitière, elle avait couru raconter son aventure à sa voisine la blanchisseuse, à sa commère la bûcheronne et à sa cousine la gardeuse de vaches. Jean-Pierre, dit le baron, « Monsieur Levent, qui est de mes amis, m'a dit ce matin qu'il t'avait donné un petit tonneau d'argent dans lequel il y a une cuisine magique. Qu'as-tu besoin de manger des dindons rôtis dans une cabane délabrée, avec des habits percés et des meubles vermoulus ? Il vaudrait mieux faire accommoder ta masure par le maçon et le charpentier, acheter des habits bien chauds, des robes pour ta femme, et des armoires, du linge, des fauteuils pour meubler ta chaumière. Vends-moi ta petite cuisine. Je te donnerai 10 000 livres, avec lesquels tu pourras bâtir une autre maison, acquérir des champs, des bestiaux et des chevaux, et tu deviendras un riche propriétaire. Monsieur le baron, répondit le meunier, quand j'aurai dépensé mes 10 000 livres, il ne me restera plus rien, tandis qu'avec mon petit tonneau, j'ai ma nourriture assurée pour toute la vie. Comment ? Reprit le seigneur, n'est-ce rien que de posséder une bonne maison et de cultiver des champs ? C'est la vérité, dit Jean-Pierre. Des terres d'un bon produit valent mieux que des poulets rôtis. D'ailleurs, ma femme m'a grondé de n'avoir pas demandé à monsieur Levent 10 000 livres, et puisque vous m'offrez cette somme, j'accepte le marché. » À la bonne heure, dit le baron. Ta femme est une personne d'esprit. Voici 1 000 francs que j'ai apportés avec moi. Je te paierai le reste dans 15 jours, et je vais t'en faire une promesse par écrit. Donne-moi ton baril d'argent. » Le meunier donna le baril, prit le sac de 1 000 francs, et comme il ne savait pas lire, il accepta la promesse écrite de son seigneur sans en connaître le contenu. Le baron, une fois parti avec le petit tonneau d'argent, Claudine ne tarda pas à rentrer. Jean-Pierre lui raconta le beau marché qu'il venait de faire. Aussitôt, elle poussa des cris lamentables et s'arracha les cheveux. « Ah, Sainte Vierge ! » disait-elle. « Faut-il que j'aie pour mari un homme qui se laisse tromper comme un sot ? Malheureuse que je suis d'avoir épousé ce maladroit. Monsieur le baron s'est moqué de toi. Il ne connaît pas, monsieur Levent. Il t'a trompé en disant qu'il était de ses amis, et peut-être ne payera-t-il pas dans 15 jours les 9 000 francs qu'il t'a promis. » Ce que Claudine avait prévu arriva. Jean-Pierre ne reçut donc que 1 000 francs, au lieu des 10 000 qu'on lui avait promis. Ses regrets, son chagrin redoublèrent lorsqu'il apprit que le baril merveilleux servait tous les jours dans la salle à manger du château, des dîners splendides pour autant de personnes qu'il plaisait au baron d'en inviter. Avec les 1 000 francs qu'il avait reçus, le meunier et sa femme firent un peu raccommoder leur chaumière par le maçon et le charpentier. Ils achetèrent quelques ustensiles de ménage, et puis ils vécurent sur le reste pendant une année à force d'économie. Au bout de l'an, tout l'argent était dépensé. Jean-Pierre n'avait plus de courage au travail. Claudine, inconsolable, négligeait son aiguille et sa basse-cour. Le souvenir du bonheur que ces pauvres gens avaient perdu empoisonnait leur vie. Ils se trouvaient plus misérables et plus accablés que jamais. Jean-Pierre se décida enfin à faire une seconde visite à M. Levent. Ne voulant mériter aucun reproche, il consulta sa femme. « Cette fois, lui dit Claudine, il faut arriver dans la caverne avant l'heure du dîner de M. Levent. Ne t'avise pas de lui raconter des sottises. Dis-lui que ton seigneur t'a enlevé par force le petit tonneau d'argent. S'il te demande ce que tu désires, réponds tout de suite que tu voudrais un autre petit tonneau ou quelque chose d'aussi merveilleux. »